Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profitent de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incitent à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. C'est avec un immense plaisir que je reçois cet après-midi celui qui a mis fin à sa carrière vendredi, c'est Jean-Pascal, sur une note vraiment positive. Et question un peu de faire le bilan de sa carrière, question également un peu de parler de son combat de vendredi. On parle avec Jean-Pascal. Salut Jean! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, j'ai de la misère à croire ça que tu vas prendre ta retraite. C'est drôle, hein? J'ai bien de la misère à croire que... Puis en même temps, je me dis, et s'il se retire en pleine gloire, puis je trouve ça... incroyable, je trouve ça vraiment bien comme et sage comme décision. Par contre, j'ai beaucoup de mal à penser que tu vas prendre ta retraite. Il me semble que tu as encore de la bonne boxe. Présentement, je suis à Miami et on me dit qu'il neige à Montréal, c'est moins 25. Alors, je peux pas avoir pris une meilleure décision que ça de rester à Miami et profiter de la retraite en ce moment. OK. Y a-t-il quelque chose qui te ferait changer d'idée? Sincèrement, non, pas grand-chose. Moi, je passe du temps avec ma fille à mes 14 ans, elle rentre dans l'adolescence, à l'âge de 8 ans. Alors, en étant retraité, je vais avoir beaucoup plus de temps pour elle. Alors, c'est quelque chose de primordial pour moi. J'ai consacré ma vie à la boxe. J'ai consacré ma vie à mes études aussi, collégiales, secondaires et tout. Donc maintenant, ça c'est fini. La boxe est finie. Maintenant, c'est vraiment le temps. C'est vraiment le temps de prendre du temps pour ma famille, mes amis et ma petite fille. Et si Adonis Stevenson se présenterait? Ah, Adonis, pourvu, il a manqué le bateau, il a manqué le train. Ça faisait 3 ans qu'il était connu par le combat, puis il n'a pas voulu, il avait trop peur. Alors, pourvu, moi, je sais déjà je suis meilleur que lui parce que j'ai déjà battu tout le monde dans les amateurs. OK, OK. Jean, pourquoi avoir choisi Miami comme dernier combat et pas le Québec? Parce que beaucoup de monde se posait des questions. Comment ça se fait que ça ne s'est pas fait au Québec? Parce que quelque part, c'est ça qu'il disait, qu'il laissait des doutes sur la suite de ta carrière. Il y a du monde qui ont dit qu'il ne peut pas sortir. C'est une question de circonstance. Si la boxe, ça se mérite, je pense que j'aurais eu une plus grande place dans l'histoire de la boxe au Québec. Malheureusement, pour moi, ce n'est pas au mérite. Alors, c'est juste une question de circonstance. Mais comme vous dites, malgré que j'ai boxé à Miami, je me suis senti un peu à la maison. Il y avait beaucoup de Québécois. Il y avait mes coachs, Michel Thérien, Bob Aclay. J'avais des amis, j'avais de la famille. Alors, j'avais quand même un public Québécois. Mais par contre, je savais dans ma tête que les gens me suivaient sur le canal Indigo. Alors, ça m'a donné des forces pour pouvoir remporter et surtout donner un bon spectacle. OK. Hey, GSP, c'est pas sérieux, ça, cette affaire-là, contre GSP? Mais comme je vous dis, moi, avant même Conor McGregor, Floyd Mayweather, ça s'organisait. Moi, j'avais déjà appelé GSP en 2010 pour organiser un combat entre moi et lui. J'avais eu une vision, j'étais visionnaire à cette époque, que ce serait le fun pour les fans de combat, d'avoir un combat entre un boxeur et surtout un combattant. Cependant, moi et GSP, nous avons reparlé de ça. Contenu que j'ai perdu mon titre aux mains de Ben Hopkins. Mm. Mais là, maintenant que Floyd Mayweather et Conor McGregor ont boxé ensemble, c'est rendu populaire. Moi, j'ai juste envie de perche. Je n'en ai pas encore parlé avec GSP, mais je pense que ça serait un combat grandiose pour les fans du Québec et aussi un peu pour les fans à travers le monde, compte tenu que j'ai été champion du monde et aussi GSP, il y a une bonne boxe. GSP, oui, il est fort en combat ultime. pour ça, mais cependant, qu'est-ce que le monde sait pas, c'est que Josh était une très très bonne boxe aussi. Ouais, mais les gens, la première fois, c'est correct, McGregor de Mayweather, mais là, les gens, t'aurais pas peur que les gens disent, garde, là, on sait, là, surtout que Floyd Mayweather a avoué qu'il avait laissé des chances à Conor McGregor. Les gens auraient des doutes sur la suite des choses, non? Non, mais comme je dis, moi, premièrement, je ne suis pas Floyd Mayweather. Okay. Je suis un bon boxeur, mais je ne suis pas Floyd Mayweather. Et Georges St-Pierre, c'est le meilleur combattant, je crois, de tous les temps en UFC, qui a une très bonne boxe. Alors, ça serait un combat beaucoup plus compétitif entre moi et lui qu'on a vu le combat contre Conor McGregor et Floyd Mayweather. OK. Hey, y a des gens qui disent que ça aurait 18 000 personnes au Centre Bell. Facile. Tu considères ça? Sincèrement, moi, je crois que oui, que l'intérêt serait là. Nous sommes deux personnalités sportives aimées au Québec. Et Georges St-Pierre, il est aussi connu internationalement. Alors, oui, je crois que ça pourrait être un hit au Québec. Le Sabat serait plein. Je crois aussi que les Pépézous seraient pleins aussi. Alors, je pense que ça serait un événement. Ça serait vraiment un événement. Je crois que le public québécois mérite ce genre d'événement au Québec. On a eu le Floyd Mayweather, Conor McGregor aux États-Unis. Pourquoi pas le Jean-Pascal, Georges St-Pierre au Canada, au Québec, pour les fans, pour les combattants du sport au Canada. Jean, est-ce que ce serait, si jamais, est-ce que ce serait en arts martiaux mix ou ce serait à boxe? Parce qu'est-ce qu'il y a du, il y a des gens qui m'ont demandé, tu y posais la question, si, tu t'engagerais-tu à te mettre en arts martiaux mix? Mais pour l'instant, qu'est-ce qui est populaire, c'est la boxe. Okay. La boxe est beaucoup plus populaire que l'université en ce moment. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire, ce serait un combat de boxe. Le UFC, je ne me suis jamais proclamé un bon combattant au sol. J'ai jamais fait du jiu-jitsu ou quoi que ce soit. Mais moi, je sais que j'ai un combat de boxe. Alors, c'est pour ça que j'aimerais ça que ce soit la boxe, compte tenu que ce serait beaucoup plus compétitif. Okay. Jean, j'ai demandé aux auditeurs de te poser des questions, s'il y avait des questions à te poser, puis il y en avait plusieurs, puis je vais te demander des questions, des réponses très rapides, parce que je veux quand même essayer de passer le plus de réponses possible. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, à quelque part, lequel des boxeurs qui faisait le plus fort dans ta carrière? Sincèrement, c'est plate à dire, mais le combattant qui m'a frappé le plus fort, ça a été Cyril Kovalev. OK, OK. Ensuite de ça, il y a Maxime Dupéré qui te demande, c'est quoi tes projets futurs? Mes projets futurs, sincèrement, j'ai rien de décidé à 100%, mais c'est sûr que j'aimerais aider la jeunesse encore, jeune, mais présentement, je vais m'asseoir avec les gens de ma famille, mon entourage, pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment faire. Alors, c'est pas encore décidé à 100% en ce moment. OK. Par la suite, il y a quelqu'un Max Cadieux-Legris, ça va un petit peu dans la même veine. Il te demande, est-ce qu'une carrière comme comédien à la télévision ou autre implication sportive ou un retraité discret? Le choix. Comme je vous dis, ouais. Je suis éduqué. Je suis allé au collège. OK. En Paris. Alors, je ne ferme pas les portes. Les portes sont ouvertes. Je suis prêt à discuter avec les gens. Alors, si les gens ont des offres pour moi ou quoi que ce soit, c'est sûr que je vais m'asseoir et ouvrir la porte et surtout écouter. OK. Steve Bossé t'a demandé, à quelque part, t'a offert un combat contre toi. J'imagine que c'est non définitif. Là. C'est, même Steve Bossé, qui est un gars qui n'a jamais, à quelque part, boxé, mais qui était en UFC aussi, lui, il veut se boxer contre toi. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment fini. Mais avec tout le respect que j'ai pour Steve Bossé, j'en ai entendu parler pendant que j'étais encore en entraînement. J'ai pas commenté compte tenu que je me concentrais vraiment sur mon combat le 8 décembre. J'ai gagné. Mais présentement, comme que je vous dis, je suis à la retraite. Je profite de la retraite. Je ne suis pas en ce moment sur le bord de la plage. Il fait probablement 25 degrés ici, au moins 25. Ouais. Alors, comme que je vous dis, pour me sortir de la retraite, il faudrait quelque chose vraiment, vraiment, vraiment de gros. Quelle victoire ou quel combat qui t'a donné le plus de satisfaction dans ta carrière? sincèrement, c'est ma victoire du monde contre Michel Descoudes devant le public québécois. OK. Parce que c'était tout qu'un combat, ça. Celle contre Chad Dawson, parce que Dawson était vraiment son... Oui, j'ai eu beaucoup de satisfaction compte tenu que j'étais négligé, mais surtout que Chad Dawson était considéré à cette époque-là par Floyd Mayweather qui avait pris sa retraite comme le meilleur boxeur électronique de la planète. Alors, je suis le seul Québécois à avoir battu un livre pour livre dans ma carrière et je suis très fier de mon exploit. OK. Ben, Jean, je vais te remercier au nom de tous les Québécois, des gens du Lac-Saint-Jean. Tu nous as fait quand même vivre de très, très beaux moments de boxe. C'est de valeur parce que quelque part, le meilleur vendeur s'en va quelque part pour la boxe. Mais j'ai l'impression, c'est une opinion bien personnelle, là. Je sais que tu n'es pas d'accord, tu as de l'air à triper à la retraite, tu sens vraiment avoir une satisfaction. J'ai l'impression qu'on va t'avoir sur un ring de boxe. C'est une opinion bien personnelle, à mon avis. Sincèrement, c'est juste les fous qui ne changent pas d'idée. Ouais. Mais présentement, je suis vraiment très, très heureux à la retraite. Bon. Ben, merci beaucoup, Jean, puis au plaisir de se parler. Joyeuse fête, au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, puis j'aimerais prendre le temps de de jouer une fête à tous vos auditeurs et tous les sportifs et tous les gens au Québec. Ben merci beaucoup, voilà. Donc Jean-Pascal qui nous parlait de la Floride.